deux verres de whisky. Frappe, t'as Lewandowski. Tu la verras pas venir. Comme quand ça tire, t'as Vladimir. Hey, tu le verras pas venir comme quand ça tire. C'est l'histoire d'un mec qui veut se refaire comme Vladimir. Mais ça va mal finir, c'est les cités, c'est pas des gamineries. Il crave des grammes de Machichi, fait pas de graffiti. Dans sa tête c'est GTA San Andreas ou bien Vice City. Comportement d'Oji respecté comme CG. La rue l'identifie, les délits s'amplifient. Les Yankees l'enrichissent mais délaisse vite le shit pour liquider de la coke. Faire tapiner des putes et la recette des autres. 43 Marocains, jamais très loin de ses côtes. Tu vois je te parle de quel genre de mec. Il traîne avec Zepec mais c'est pas Travis Scott. Il aime la rue d'Ascot. Et les A7 Campi en 2012 au placard et cantine. Béton jamais pour des centimes, plus rien peut l'attendrir. Il baisera pas Sandrine, il baissera pas son jean. J'avoue c'est gore mais la prison le rend de plus en plus fort. Distribue que de la mort, des kitschigis sont gore. Il fera pire encore. 3 ans plus tard, il rebéton, rebelote à Nanterre. Mais crois pas qu'il s'endort, son blasé légendaire. Avant sa mort, juste avant qu'on l'enterre. Il veut de l'or et se repentir pour pas goûter l'enfer. La rue et les affaires lui ramènent fort, de la prison ferme. Encule tous les conseils, bat les couilles des grands fers. Pour récupérer du genre, l'esprit sait comment faire. Fais ça sans commentaire, mentalité de gangster. Y'a que des fils de pute qui lui cèdent le cancer. Toujours dans les transferts, de Villeneuve à Saint-Ouen, il a fait des pleins phares. Y'a que devant le commissaire qu'il est plus très bavard. Remets tout à plus tard, respecte tous les bubards. Il arrive quand tu pars, y'a qu'en promenade ou dans les cités que t'as déjà dû le voir. C'est un arabe au cœur noir, moitié kosovar, un mexicain notoire. Moi j'ai qu'il aime trop boire et rester en attaque. Il connaît toutes les plaques des équipes de la DEP et les mecs de la BAC. La police le débecte mais faut bien qu'il s'adapte. C'est au placard que les jours se répètent. Je l'ai déjà vu faire des grammes de zipette à l'aveuglette. Dernièrement je l'ai vu de mes yeux y crosser son voisin. Apparemment c'est son cousin qui braque les magasins. Calcule pas les vagins vu qu'il aime trop l'argent. Cousini il a pas le temps, c'est un vrai attaquant que dans les déplacements. Essaye pas de le chébran, il sait déjà les brans, tu sais bien qu'il est grand. Lui dis pas qu'il est temps d'arrêter tout ça, c'est un pur yakuza, il peut mourir pour ça. Et baiser la cosa, faire une totorina avec Provenzano. Généralement il baisse des putes et il mange au McDo. Il possède pas de château, c'est pas El Chapeau. C'est juste un vrai charreau, tu vois déjà le tableau. Il fait jamais de cadeaux, que des raps d'Ao Jack pour me se rétablir. Ses plans sont établis, je te raconte toute sa vie. Tu peux la faire à d'autres, ici rien n'est gratuit, il supporte que Paris. Pour lui tout est carré comme le nord de la Corée. La rue même la maison d'arrêt, il aime trop les cités. Il nettoie son tarpé, toujours dans son quartier. C'est Medellin cartel, ils font salir Saint-Denis. Ils grave ça comme Barzdel. Avec tous les esprits, la police l'interpelle. Il revient d'Endoven ou bien d'Anterpen. Les esprits sombres sont, c'est pas un socialiste ni un franc-maçon. C'est juste un grand garçon qui boit des revues de whisky sans glaçon. Et ma grande, s'il te plaît, fais pas la belle. Si t'as qu'un au team hotel, t'auras pas de prix Nobel. J'te donne 2-3 conseils pour faire un peu d'oseille. Prends ta chienne, mets-la sur Viva Street ou sur Sex Model. Achète Lucy Fontel, tu vas faire un bordel. Paris c'est pas LA, c'est Mexico et Medellin cartel. Vincent c'est Vice Diesel sur le périphérique. Et Loulou c'est Derrick, la départementale bosse comme en Amérique. Y'a beaucoup de gens qui flippent, la moitié savent que ça peut aller vite. C'est nous les rats des villes, c'est pas une tragédie. Manige le casse dédié, les autres se travestissent. Pendant qu'on investit sur de la bonne machichi qui t'a béton l'été. Le charbon c'est le métier, le jargon bien salé. Pour sortir d'un guépier, ici c'est les cités, je te déconseille d'y mettre les pieds. Thank you.